troisième temps de notre série consacrée à l'histoire des organisations internationales. Ce matin, le débat à l'occasion du centenaire de la création de la SDN et de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Lundi, nous nous sommes plongés dans la deuxième moitié du 19e siècle qui a vu naître l'Association internationale des travailleurs, autrement connue sous le nom de Première internationale. Hier, nous nous sommes penchés sur l'histoire de l'Organisation internationale du travail, organisation célébrée d'ailleurs pour son centenaire hier à Genève. Demain, le documentaire de Séverine Yatar et de Séverine Cassard nous racontera l'histoire d'une structure particulière, le Centre international de l'enfance, créé en 1949 par le professeur Robert Debré. Et ce matin, nous allons nous demander comment ont évolué les grandes organisations internationales et quelle politique elles mettent en œuvre. Nous le ferons avec Séverine Yatar, qui a participé et préparé cette semaine avec nous et qui co-animera cette émission avec nos trois invités, qui sont Régine Perron, historienne des relations internationales et de la construction européenne, maîtresse de conférences à l'université de Cergy-Pontoise, auteur d'une histoire du multilatéralisme en deux tomes aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. Guillaume Devin est également avec nous, il est professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris et vous dirigez le groupe de recherche sur l'action multilatérale au CERI Sciences Po, et Delphine Placidifro et professeur de sciences politiques à l'université de Paris-Sud. Elle est également avec nous. Extrait de l'hymne non officiel des Nations Unies qui est composé par Pablo Casals et dirigé ici par Peter Breiner. Bonjour Séverine Yatar. Bonjour. Bonjour à vous, donc nos trois invités. Régine Perron, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous également Delphine Placidifro. Bonjour. Merci d'être là. Et Guillaume Devin, bonjour. Bonjour. Alors peut-être en commençant cette émission, faut-il redire que ce terme d'organisation internationale est parfois un peu flou et qu'on le regarde en tant qu'historien, en tant que politiste ou en tant que juriste, eh bien, ou économiste, il n'a pas toujours le même sens. On sait bien que demain, Séverine, votre documentaire portera sur un centre international de l'enfance, mais que ça n'est pas exactement une organisation internationale. C'est un centre à l'interface d'organisation internationale, mais ce n'est pas une organisation internationale. Lundi, nous avons parlé de l'Association internationale du travailleur qui... cette première internationale qui n'est pas considérée a priori comme une organisation internationale, mais qui d'une certaine façon a fait ce travail de relation entre nations, militants, syndicalistes de la fin du 19e siècle. Alors Guillaume Devin, c'est quoi une organisation internationale? Est-ce qu'on peut s'entendre sur la façon de la qualifier et surtout de dire pour nos auditeurs ce qui rentre dedans et ce qui n'entre pas dedans? Pour vos auditeurs, il faut indiquer que les définitions sont délicates, floues, mais qu'on peut essayer d'y voir à peu près clair en distinguant dans le panorama des organisations internationales, des organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales. Une organisation intergouvernementale se définit par deux critères simples. D'une part, un acte constitutif, une charte, un pacte, des objectifs, et d'autre part, une matérialité qui se traduit par un siège, des locaux et des membres appartenant à des pays différents. Alors, entre les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales, il y a tout un continuum, je dirais, d'organisations qui sont plutôt intergouvernementales ou plutôt non gouvernementales ou quelquefois mixtes, c'est-à-dire des organisations qui sont composées à la fois d'acteurs gouvernementaux et d'acteurs non gouvernementaux. Et pour compliquer la tâche, je vous posais la question juste avant cette émission, Régine Perron, par exemple, l'Europe, l'Union européenne est une organisation internationale. Oui, on peut qualifier comme telle. elle fait tout à fait partie du système multilatéral au niveau régional, dans la mesure où elle a repris dans ses traités de la communauté économique du charbon de l'acier, qui était la première, la communauté économique européenne jusqu'à l'Union européenne, les principes fondamentaux du multilatéralisme, défense, sécurité et paix, prospérité et bien-être. Donc c'est les trois piliers du multilatéralisme au niveau régional. Mais il y a eu toute une histoire qui s'est mise en place pour que l'Europe existe de cette manière-là. Donc, et si on anticipe, on remonte plus loin le temps d'Delphine Placidi-Fraud, alors ça date pas du XXe siècle ni de l'après-Seconde Guerre mondiale. Les organisations internationales, enfin les relations internationales naissent au début du XIXe siècle, on peut le dire comme cela. Alors, les relations multilatérales, c'est-à-dire stricto sensu entre trois États ou davantage, elles sont presque aussi anciennes que la diplomatie. En revanche, c'est vrai que le XIXe siècle est un petit peu le siècle de l'émergence du multilatéralisme, non pas au sens institutionnalisé du XXe siècle, mais dès la seconde moitié du XIXe siècle, avec à la fois un internationalisme populaire ouvrier dont vous avez déjà parlé en début de semaine, et également avec la constitution d'unions ou d'administrations internationales sur des domaines qu'on considérait à l'époque assez technique, mais qui avait déjà un enjeu politique. La météorologie, les postes, les télécommunications, le Bureau international des poids et des mesures, dont le siège est fondé à Paris dans les années 1880, ce sont des organisations internationales, techniques, alors où il n'y a quasiment pas de fonctionnaires internationaux encore à l'époque, mais qui déjà constituent un embryon d'une communauté internationale entre États, mais associant déjà également des experts. Et ça répond évidemment à une mondialisation croissante. Tout à fait, à une mondialisation des échanges, du commerce, des marchandises, des grands flux migratoires, notamment transatlantiques. Mais ça accompagne aussi la colonisation sur les questions, par exemple, sanitaires. On parlait à l'époque d'hygiène internationale, la gestion des épidémies. On peut plus utiliser simplement la quarantaine pour garder à l'écart pendant 40 jours ou plus des populations, vu l'impact et l'essor des migrations. Donc il faut trouver d'autres solutions qui sont aussi portées par les progrès de la médecine, de l'industrie chimique et pharmaceutique du XIXe siècle. Il y a, Guillaume Devin, aussi cette naissance autour de la question des normes. C'est-à-dire qu'il faut s'entendre sur des normes, il faut s'entendre sur des normes techniques, comme le disait à l'instant Delphine Placidi-Fraud, pour qu'au bout du compte, on puisse communiquer. Alors, ce sont des normes pour les rails de chemin de fer, ce sont la largeur des rails de chemin de fer, ce sont des normes pour les câbles sous-marins que l'on va donc faire passer en dessous de l'Atlantique, etc., etc. Oui, et pour les contemporains, c'est-à-dire ceux qui vivent à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, l'idée fondamentale, c'est l'idée de l'interdépendance. The world is shrinking. Le monde est en train de rétrécir. Et cette expression, elle traduit bien le fait que il y a des conflits d'intérêts et de complémentarité entre les différents États. Pour les télégraphes, pour les chemins de fer, pour l'heure, parce que avec les voyages, il faut un temps mondial, c'est le méridien de Greenwich en 1884, et donc à partir de là, on va organiser des unions administratives internationales, comme on les appelle à l'époque, c'est pas encore des organisations internationales, et on va normer ces différents éléments de coopération. Et ces organisations ou ces unions internationales font-elles déjà de la politique? Est-ce qu'on peut dire qu'elles font de la politique? Vous êtes spécialiste de sciences politiques. Oui, elles font déjà de la politique. Et le terme union administrative internationale le rappelle bien. Ce sont des organisations qui ont une vocation technique, régler des problèmes liés au télégraphe, régler des problèmes liés à l'écartement des voies de chemin de fer, comme vous l'indiquiez, mais en même temps, les États surveillent ces questions, car ce sont des questions extrêmement importantes pour leur développement et leur puissance aussi. Et leur puissance, j'allais dire, et leur compétitivité à l'extérieur. C'est brillant. Et justement, vous parlez, Guillaume Devin, de Mitrani, alors qu'il y a un personnage important qui a réfléchi. David Mitrani, qui réfléchit donc ces problématiques d'organisation internationale et de conflits ou non, justement, entre les membres de ces organisations, pour proposer une vision donc fonctionnaliste vous dites, de des organisations internationales. Parce que on va voir que, oui, au fur et à mesure, cela va se fonctionnaliser. Hein, oui, c'est une histoire un peu compliquée. David Mitrani intervient un peu plus tard, hein, dans les années 30 et 40. L'entre-deux-guerres. Et sa vision est une vision purement fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il est très déçu par l'échec politique de la SDN. Et il est très impressionné par l'expérience du New Deal. Et il pense que si on se concentre uniquement sur les problèmes techniques, on peut faire avancer la coopération. Mais de fait, il vide complètement cette dimension politique qui est derrière les problèmes techniques. Et donc, finalement, le fonctionnalisme est un peu une impasse. Mais c'était un idéal ? Oui, c'était un idéal. Avancé par le bas, de certaine comme, façon. Comme disait Mitrani, je ne représente pas une théorie, je représente une anxiété. Quelle belle formule. Régine Perron, sur Céline. Oui, je voudrais ajouter à ce que vient de dire Guillaume Devin au niveau des normes. C'est que on pourrait parler des règles de conduite. Le système multilatéral introduit des règles de conduite. L'ONU, la non-ingérence. L'OMC, la non-discrimination. Ensuite, on a le FMI, qui est en principe l'assistance mutuelle. Des règles de conduite qui permettent de coordonner les actions des uns et des autres, des États membres et ensuite des organisations. C'est le ciment. Oui, mais c'est tout ça pour que ces échanges soient conduits. Cette normativité, elle sert aussi à ce que les choses se fassent sans le conflit, dans le consensus. Ça, je reprends un article de Franck Petiteville, qui est un de vos collègues, qui parle justement de dépolitisation des organisations internationales, du fait, alors ça se discute, hein, parce qu'il y a aussi repolitisation de ces normativités. En fait, le but, c'est de viser la stabilité du monde pour éviter le chaos. Et c'est ça, c'est cette anxiété, pour reprendre le terme de Guillaume Devin, qui domine. La peur est de connaître de nouveau des situations comme aussi... Comme la Première Guerre mondiale, par exactement. Exemple. Exactement. La Première Guerre mondiale, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres. Donc le système multilatéral est le résultat de tout ça, de toutes ces peurs qu'on essaye d'éviter avec des constructions bien définies et des organisations. Mais évidemment, si on réfléchit à ces questions-là, avec vous, Delphine Placide-Diffraud, par exemple, on se dit que la politique niche partout parce qu'il y a des volontés de puissance qui sont à l'œuvre et que, justement, ces organisations qui se créent au fur et à mesure du 19e et du 20e siècle sont là pour limiter ces volontés de puissance des États, mais en même temps, ne peuvent pas ne pas en tenir compte. Évidemment, l'Allemagne nazie a fait peu de cas de la création et du développement de la SDN, etc., etc. Oui, c'est tout l'intérêt et en même temps la complexité du fonctionnement des organisations internationales, toute l'ambiguïté en fait qui réside au cœur des organisations internationales. Sans faire un cours de théorie des relations internationales, parce que c'est pas l'objectif, mais le regard des théoriciens en sciences politiques et notamment dans les grandes théories classiques, hein, des relations internationales, on oppose souvent les approches plutôt libérales, des approches plutôt réalistes. La vision libérale, on en a déjà un peu parlé, hein, c'est la vision qui repose notamment sur le rôle des normes, l'idée qu'on peut pacifier les relations internationales, alors par le commerce, le libre-échange, le doux commerce pacifie les mœurs, et notamment tout le qui a porté, hein, le libéralisme économique. La paix également par le droit, hein, le rôle justement du droit international, des conventions, des traités pour pacifier, qu'on retrouve beaucoup là dans la construction de la SDN notamment, et de l'OIT, avec le solidarisme international. La question des réfugiés, par exemple. La question des réfugiés, voilà, le passeport Nansen, etc. Ouais. Donc voilà, l'idée que le droit va pacifier les relations internationales entre États et va un peu contenir la puissance, non pas la supprimer, hein, il ne faut pas être idéaliste, c'est un peu la critique qui était faite, mais voilà, va un peu rendre plus coûteuse en fait le conflit militaire et va aussi développer des sanctions, hein, parce qu'il y a aussi cette idée que les organisations internationales, dans certains cas, peuvent aussi être un peu musclées. Et puis, il y a enfin la paix par la démocratie, par le fonctionnement démocratique, alors à la fois à l'intérieur des États, mais aussi sur la scène internationale, qui a en partie était une utopie, mais qu'on retrouve quand même avec l'idée un État, une voix, la représentation des sociétés civiles, etc. Cette vision libérale, elle a toujours été contrecarrée par une vision plus réaliste, c'est-à-dire plus centrée sur des enjeux effectivement de sécurité, de puissance, et c'est un petit peu souvent la grille de lecture qu'ont les diplomaties pas simplement d'ailleurs toujours des plus grandes puissances, que d'utiliser les organisations internationales comme un instrument. Mmh. Oui, mais c'est parce que comment ça fonctionne d'ailleurs une organisation internationale? Donc il y a des représentants, membres de chacun des pays, une assemblée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être que, et puis l'évolution de ces fonctionnements? Alors, il y a de nombreuses caractéristiques différentes dans une organisation. Ce qu'on retrouve généralement classiquement, c'est une instance décisionnelle qui est là très largement intergouvernementale, hein, strictement intergouvernementale. Ça peut être le Conseil de sécurité, évidemment, pour les Nations Unies, par exemple, le Conseil des ministres, etc., pour l'Union européenne, qui est là vraiment un outil de décision. On fait un peu parfois la comparaison un peu abusive avec le rôle d'un État. Hein. Ce serait un peu l'équivalent d'un gouvernement. Mais c'est pas une démocratie. Mais c'est pas une démocratie, tout à fait, parce qu'il y a aussi des régimes autoritaires qui sont représentés. Ensuite, vous avez souvent une instance plutôt de type législatif, parlementaire, où là, on est plutôt sur chaque membre est représenté. Donc avec un système plus paritaire. Et puis vous avez souvent des outils judiciaires, des outils de médiation parfois. Voilà, donc il y a différentes entités au sein d'une organisation internationale. Le fonctionnement ensuite, il est régi par à la fois la charte ou le traité fondateur et surtout un instrument juridique très important qui est le règlement intérieur. Et comment ces organisations pensent-elles d'une certaine façon? Parce que c'est une question, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont un corpus qui leur permet d'évoluer, qui leur permet de regarder le monde avec un regard particulier et donc faire de la politique, Régine Perron par exemple? Oui, en effet, parce que vous disiez tout à l'heure que ces organisations étaient dépolitisées, je ne dirais pas jusque-là, dans la mesure où la première construction du multilatéralisme faite par les gouvernements américains Roosevelt était d'inspiration keynésienne. Donc on a toute la première partie de 45 au début des années 70 qui est une politique de libéralisme encadrée. Tempérée. Encadré, justement, c'était le principe keynésien. Des contrôles, des garde-fous, c'était une amélioration du libéralisme par rapport à ce qui avait été vécu auparavant avec la crise de 29, la première guerre mondiale, des ordres, etc. Mais ensuite, et donc ces organisations suivent cette ligne de crête, politique économique qui est insufflée par les États eux-mêmes. Et ensuite, à partir des années 70 jusqu'à nos jours, on a une nouvelle politique économique qui est celle du néolibéralisme. Mmh. Et aujourd'hui, c'est pareil, les institutions organisent ce néolibéralisme. Guillaume Devin, sur ces questions de... pense-t-elle en politique? Ouais, pour vos éditeurs, c'est important tout de même de bien rappeler qu'il faut distinguer les organisations et leurs membres. Les organisations sont très souvent confondues avec les États membres, quand on parle d'organisation intergouvernementale. Et on a raison, les organisations sont un peu ce que les États membres en font. Même s'il y a une part un peu autonome de l'organisation qui est représentée par les bureaucraties internationales. Hein. Mais fondamentalement, ces organisations, elles sont politiques. Elles sont politiques parce que... Mais leur corpus politique, il est constitué comment ? Ben, le corpus politique, il est constitué de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord de l'acte constitutif et ensuite de tout ce qui s'y passe, c'est-à-dire à la fois les controverses, les débats et les productions, et notamment les productions normatives. Ça veut dire qu'on considère souvent qu'elles sont fixes, ces organisations internationales. Or, en tant qu'historien ou politiste, vous les voyez évoluer, elles changent, elles ont des politiques changeantes selon le contexte en l'occurrence. Bien sûr, elles ont des objectifs à long terme et dans ces organisations se déroule un certain nombre de débats, sont produites un certain nombre de normes qui fixent le sens commun des relations internationales à un moment donné. Et donc ces organisations, je le répète, elles sont politiques. Dans la mesure où leurs controverses et leurs productions normatives sont contrôlées par des acteurs politiques. Quels sont ces acteurs politiques? Les États et leurs représentants. Donc, il faut faire attention, ce qu'on appelle la politisation ou la dépolitisation, ce sont essentiellement des stratégies d'acteurs. Mais les organisations, elles sont politiques. Et est-ce que si on suit le cours, alors là, il y a l'après-Seconde Guerre mondiale, où il y a quand même un contexte de guerre froide très fort, hein, ça pourrait être une première phase, et une deuxième phase, vous allez me dire si c'est exact, avec l'entrée notamment des pays dits en voie de développement après la décolonisation, donc durant les années 60-70, où il y a une espèce de contre-pouvoir donc, et des conflits. Sous-jacents évidemment qui vont se mettre en place. Est-ce que ça serait une chronologie intéressante, Christine Placidy? Oui, tout à fait. Et c'est une chronologie qu'on mesure déjà au moment de la création des organisations internationales. Alors disons effectivement de cette deuxième moitié du XXe siècle, puisque aussi bien les organisations de la sphère des Nations Unies, dont un certain nombre ont repris les ancêtres qui étaient les institutions de la Société des Nations, que les organisations qu'on appelle de Bretton Woods, donc la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, puisqu'il devait y en avoir une troisième, l'Organisation du commerce international, qui n'a pas été créée. Ce sont des organisations qui sont construite, pensée, réfléchie pendant la Seconde Guerre mondiale, mais où déjà on sent les tensions dans la construction des organisations internationales liées à la guerre froide. Donc la guerre froide se déclare évidemment après, elle va se solidifier, se durcir en 47-48, mais déjà on sent des tensions entre les États-Unis, l'Union soviétique, mais aussi entre la Grande-Bretagne, la France, etc., qui est toujours un peu sur un strapontin dans les négociations. Donc la guerre froide va effectivement marquer très durablement les 20 premières années du multilatéralisme, tant sur un volet sécuritaire que sur un volet plus économique. Et ensuite, bien sûr, ça va être la décolonisation et un triplement, en fait, quasiment, du nombre de pays dans les organisations internationales, qui va faire évoluer à la fois leur composition, leur géopolitique, mais aussi leur mandat et leurs priorités. C'est-à-dire les enjeux qui vont être discutés. Absolument. La question du développement, par exemple, dans les années 50, elle est plutôt envisagée dans le sens d'une reconstruction des économies dévastées par la Seconde Guerre mondiale, à l'égard du Japon, à l'égard de l'Europe, évidemment. Et puis, à partir des années 60 et 70, elle va se focaliser sur le Sud. Régine Perron. Oui, pour rebondir sur la question des pays du Sud, tels qu'on les appelle maintenant, leur entrée dans le système multilatéral a été très simple via l'ONU, parce que les pays du Sud reconnaissaient l'ONU comme étant leur instance principale, mais leur intégration, si on peut prendre ce mot-là, a été très compliquée au niveau du GATT et de l'OMC aujourd'hui, parce que les parts de marché étaient déjà réparties. Mmh. Donc ça a été, et c'est toujours très difficile, encore aujourd'hui, d'organiser les échanges commerciaux entre le Nord et le Sud. Et c'est toujours le même cas aujourd'hui. Dans les années 1948, Albert Régisseur, qui était connu aussi sous le nom de Paul Court, écrivait cette « ONU Samba ». Une conférence des Nations Unies, au cœur de la France s'étant réunie. Après les harangues pour se délasser, chacun dans sa langue se mit à chanter. Sambi, sambo, sambu, samba, brava la sambi. Bravi, bravo, bravi, sambo, brava la sambi. Bravo, brava, bravo samba. Délégué espagnol. Habe, habe, sami, sami, mumi, mucho, no, no, no. Arabe. Mouche, pese, pute, m'sir, j'te mehe, ye, le, le, le. Russe. Troïka, katos, kofne, tchevou, mon mosquée, niet, niet, niet. Et tout le monde reprit ce refrain-là. Brava la sambi. Bravi, bravo, bravi, sambo. Brava la sambi. Bravo, brava, bravo, samba. 6 mois s'écoulèrent dans le monde entier. On crut que la guerre allait éclater. À la conférence, un des délégués cria espérance, messieurs, écoutez. Sambi, sambo, sambu, samba. Brava la sambi. Bravi, bravo, bravi, sambo. Brava la sambi. Bravi, brava, bravo, samba. Délégué italien. Un poco non posso, ma perché capisco, si, si, si. Au Soudan. Un hum, nen, nen, un hum, ouais, ouais, ouais. Délégué mort. Voilà, je ne sais pas si ça présente bien les réunions de l'ONU en 1948. On est plutôt dans une sorte de suite des chansons coloniales françaises quand on évoque justement tous ces accents qui se seraient rassemblés dans une même assemblée. C'est signé Albert Régisseur, donc ONU Samba, ça date de 1948. On a bien compris l'évolution entre la pré-Seconde Guerre mondiale, la période de la guerre froide et puis la naissance de l'arrivée dans ces instances internationales et des organisations internationales de tous ceux et de toutes celles qui venaient de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Est-ce qu'il y aurait une troisième évolution, une troisième marche, pourrait-on dire, pour pouvoir raconter la longue histoire des organisations internationales vis-à-vis de la politique, donc dans les années 70, 80, 90, je ne sais, avec la chute du mur de Berlin, avec d'autres visions qui peut-être se sont mises en œuvre, on parlait le libéralisme en particulier, et avec l'arrivée de Reagan au pouvoir, etc. Qui veut intervenir sur ce sujet, Guillaume Devin? Moi, je voudrais simplement revenir sur votre intermède musical un peu colonialiste, mais qui représente tout de même bien ce que peut être un forum multilatéral. C'est un forum multilatéral, c'est un forum qui est toujours continué. On se sépare en sachant qu'on va se revoir. Et ça, c'est très caractéristique du processus multilatéral. C'est un processus, comme on dit un peu techniquement, itératif. C'est-à-dire qui se reproduit, qui continue toujours. Et on connaît tous ces grandes conférences internationales où on se sépare en se revoyant l'année d'après, comme l'Assemblée générale des Nations unies ouvre sa session chaque année, etc., etc. Et ça, c'est un élément important de la négociation multilatérale, hein, c'est que on ne gagne jamais immédiatement, le gain est toujours différé. Différé. Exactement. Différé. C'est ce qu'on appelle la réciprocité diffuse. Hein, parfois, selon le mot d'un politiste américain qui s'appelle Keohane. Et est-ce que ça reste pas toujours différé? Ah, ça, souvent. Il faudrait. Est-ce que ces décisions, elles se prennent? Ça, il n'est pas possible de répondre de manière aussi générale. Il faudrait voir au cas d'espèce, hein, cas d'espèce. Mais, pour revenir à votre question sur les phases un peu du multilatéralisme, je dirais que les années 80 ont représenté un tournant relativement important, pas simplement avec la chute du mur de Berlin, mais avant avec la révolution quand même conservatrice thatchérienne et réganienne, qui vont faire beaucoup de mal aux organisations internationales. On se retire de l'UNESCO, on se retire de tout un tas d'organisations internationales. On retire beaucoup d'argent, on pousse les organisations à s'engager dans des méthodes de néo-managérialisme, qui finalement auront des conséquences relativement graves quant à l'efficacité des organisations. Et puis certaines organisations qui étaient dans, par exemple, l'égide de l'ONU vont s'en détacher progressivement. Le FMI va prendre totalement son autonomie. Enfin, il y a aussi cette dimension-là, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des tensions. Et puis, on va voir naître aussi les G7, les G8, les G20, qui sont aussi des clubs de pays riches qui se détachent de ces organisations international, par exemple au point de vue économique, Régine Perron. Oui, en effet, le FMI va changer de nature parce que au départ, de 45 à 71, au moment de la dévaluation du dollar, le FMI portait assistance, donc était chargé d'aider les pays à rétablir l'équilibre budgétaire, déficitaire en général. Mais ensuite, donc c'était et il contrôlait les taux de change. Et ensuite, à partir de 1971, lorsque Nixon déclare la non-convertibilité du dollar, eh bien, le FMI va devoir trouver une nouvelle orientation qui sera celle de ne plus contrôler, de ne plus gérer, mais seulement attribuer des crédits aux pays qui en ont besoin et de gérer la dette des pays du Sud essentiellement. Mais cela veut dire que le FMI, oui, est vidé de son sens à partir des accords de la Jamaïque en 1976. Et ça, ça va tout à fait dans le courant néolibéral. Delphine Placidifro. Oui, pour rebondir également sur les deux interventions précédentes, je pense que cette vague du néolibéralisme qui a effectivement marqué très fortement un tournant dans les organisations internationales, elle s'est aussi accompagnée dans les... Alors, le consensus de Washington commence un peu à se décomposer au début des années 90, fin des années 80, surtout début des années 90, avec une période qui va être un peu d'assez courte durée, une euphorie du multilatéralisme dans les années 90, ouais, avec la chute du mur de Berlin, avec l'illusion que la démocratie progresse et s'étend à travers le monde. La fin de l'histoire. Puis voilà, le 11 septembre va marquer un peu le coup d'arrêt. Déjà, la fin des années 90, on sent les tensions avec la Russie se réactiver. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette décennie, les Nations Unies vont redevenir un petit peu une organisation de premier rang. Bon, le Conseil de sécurité sur toutes les opérations de paix, mais également en matière de développement, les grandes conférences thématiques sur l'environnement, évidemment le climat avec Rio, sur la question de l'habitation, sur la question du développement social et inclusif, etc. On sent un poids également des sociétés civiles, les ONG dont on a parlé en début d'émission, qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus techniques, expertes, qui font à la fois du plaidoyer en faveur de telle ou telle cause, alors souvent sur des intérêts sectoriels, mais qui vont se faire entendre auprès des organisations internationales, être de plus en plus reconnues, poursuivre également parfois en justice certains États, ou en tout cas les dénoncer, faire ce qu'on appelle du naming and shaming en anglais. Et également, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette période donc un peu de résurgence des sociétés civiles, elle s'accompagne, même sur un plan normatif, de la mise en avant de l'individu. Alors, on peut considérer ça un peu comme un avatar du néolibéralisme, mais l'idée que le développement, par exemple, n'est plus un développement forcément collectif, mais va se centrer sur l'individu, la notion du développement humain, par exemple, avec l'IDH. La sécurité également va être centrée plus sur l'individu et moins sur le collectif, la notion de sécurité humaine, par exemple. Donc voilà, on a aussi ce déplacement normatif qui s'impose dans les années 90. C'est brillant. Oui, donc, on sent donc un double mouvement à la fois de contestation face justement au pouvoir d'un certain néolibéralisme, et qui en même temps semble aussi réactivé, je pensais à la question des financements. C'est-à-dire, on sait aussi qu'il y a une mécénatisation, du mécénat, on va dire, au sein de ces organisations internationales, des financements privés aussi qui vont de plus en plus advenir. Et qu'est-ce que ça sous-entend au niveau des prises de décision, des lobbying également qu'il faut contrer parfois? Oui, c'est un élément très important. Le nerf de la coopération, c'est tout de même l'argent. Donc, qui paie quoi? Qui finance quoi? Ça, c'est très important. Alors, d'une manière générale, les contributions obligatoires sont en régression par rapport aux contributions volontaires. Et les contributions volontaires, qui peut les payer? Les pays qui sont relativement les plus riches. Mais si jamais on regarde le budget des Nations Unies, le budget ordinaire des Nations Unies, qui est un tout petit budget, 5 milliards et demi de dollars pour 2 ans. C'est ridicule. Si on regarde ce budget et les contributions ordinaires, les grands contributeurs, ce sont les États-Unis depuis longtemps, avec maintenant un plafonnement à 22% du budget, mais depuis le début de l'année, le deuxième contributeur, c'est la Chine. Et pour vous donner une idée de l'importance de la Chine et de l'investissement croissant de la Chine aux Nations Unies, je vous donnerai deux chiffres que j'ai vérifiés il y a peu de temps. Les barèmes sont établis par 3 ans. En 89, 90, 91, la Chine contribuait à 0,7% du budget des Nations Unies. Aujourd'hui, 2019, 2020, 2021, la Chine contribue à 12%. Il y a une augmentation de plus de 800% en 30 ans. Ça veut donc dire que, par exemple, la Chine croit dans l'organisation internationale, croit dans le multilatéralisme. Elle croit dans le multilatéralisme, mais elle investit. Elle investit dans les enceintes multilatérales. Mais ça, c'est un débat. Les États-Unis l'ont fait également, à partir de 1945, dans un multilatéralisme que je qualifierais comme un multilatéralisme de conquête. La Chine s'investit dans les enceintes multilatérales, dans un multilatéralisme que je qualifierais plutôt de multilatéralisme de capture. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que le multilatéralisme des États-Unis était un multilatéralisme qui ouvrait à la compétition des organisations internationales et donc à un certain pluralisme des expressions, même s'il y avait une volonté hégémonique incontestable. Le multilatéralisme chinois est un multilatéralisme qui vise plutôt à fermer les institutions, à contrôler leur production normative, comme on le voit dans de nombreuses enceintes multilatérales. Les exemples sont multiples. Une des questions, c'est qu'il faut trouver des alliés dans ces politiques que l'on veut mettre en œuvre par l'intermédiaire des organisations internationales. Ça, c'est quelque chose que l'on voit habituellement depuis qu'on s'intéresse à la question de l'histoire du concert des nations. Qui s'allie avec qui, dans quel but et pour faire progresser quelle cause, par exemple. Donc, il y a toute une histoire à faire, pourrait-on dire, Régine Perron, de ces alliances, de ces contre-alliances, de ces alliances de revers, de savoir si on va aller avec tel ou tel pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine porter telle requête auprès d'une organisation internationale. Oui, en effet. On pourrait dire qu'au départ, il y avait une alliance de raison entre les États-Unis et les alliés européens. On s'entendait sur un certain consensus, même si la position dominée n'était pas toujours facile à vivre, du côté des Européens en particulier. Mmh. Mais ensuite, on a eu ces pays du Sud qui ont acquis leur indépendance. Donc ensuite, il a fallu soit les englober dans le cadre de la guerre froide du côté du monde libre occidental, soit du côté du monde soviétique pour l'URSS. Donc cela, ça a donné lieu à une sorte de compétition au sein des organisations internationales elles-mêmes, négocier les alliances à l'ONU avec l'Assemblée générale, au GATT avec les négociations commerciales, etc., etc. Oui, on est toujours à la recherche des alliances. Je passe la parole à Delphine. Delphine Placidifro. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces rapports de force, à la fois de compétition et de coopération entre les États, on les retrouve aussi dans liés à la fois à la question du budget et donc des contributions dans la quête des postes, hein, notamment des postes décisifs dans les organisations internationales. Oui, on expliquait hier, par exemple, qu'à l'OIT, au tout départ, il y avait 60% de fonctionnaires qui venaient de France et de Grande-Bretagne, qui étaient les deux puissances qui avaient contribuer à la naissance de l'Organisation internationale du travail. Et ensuite, ça s'est diversifié. Absolument. Et c'était pareil à la Société des Nations. Alors, c'était aussi lié au fait que statutairement, le statut en germe, hein, de la fonction publique internationale avait été très influencé par le statut du service public à la française et du public service britannique. Et puis aussi par, évidemment, le fait que les États-Unis n'étaient pas membres de ces organisations. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la quête des postes stratégiques qu'on retrouve d'ailleurs à la Commission européenne, hein, c'est pareil à tous les échelons, voilà, dans les organisations régionales. On va voir très bientôt, effectivement, exactement, pour savoir qui va présider la Commission. Alors, ce n'est pas forcément les postes les plus décisifs, mais parce que les secondes mains dans les organisations internationales, dans les administrations, jouent un rôle également très important, mais on voit toujours, dès qu'il y a une élection à la tête de la FAO, de l'OMS, etc., on voit les luttes d'influence entre les États, on voit l'évolution également géopolitique. Hein. Effectivement, la Chine s'est beaucoup investie ces dernières années dans le multilatéralisme, y compris au sommet, et le mécanisme en fait de répartition des postes de la fonction publique internationale, il se calque sur les participations et les contributions financières des États. C'est brillant. Est-ce que vous ne constatez pas aussi, il y a une précarisation, je crois, des postes qui a des conséquences importantes en fait. Absolument. Aussi, alors, sur le déroulement en fait des fonctions et du rôle de ces organisations internationales. Il y a une contractualisation en fait des postes. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de CDD et de moins en moins de fonctionnaires internationaux permanents, hein, qui n'était pas d'ailleurs une pratique historique. Hein, l'idée d'avoir des fonctionnaires internationaux recrutés directement par l'organisation internationale a mis un certain nombre de temps à s'imposer. Ça a été la norme pendant plusieurs décennies. Et c'est vrai que depuis ces dernières années, on constate de moins en moins de fonctionnaires internationaux directement recrutés, de plus en plus de détachements temporaires, voire de gens également qui sont recrutés du secteur privé. Donc ça met en péril le long terme, peut-être, Delphine Placidifro, enfin, la réflexion à long terme, ou alors, justement, indubitablement, ça transforme les pratiques, ça transforme aussi le quotidien des fonctionnaires, parce que les gens qui sont recrutés pour 6, 12 ou 18 mois, évidemment, ils vont aussi préparer l'évolution de leur carrière. Donc, il y a une certaine perte également de l'histoire, hein, et de la mémoire institutionnelle des organisations, et ça transforme également les rapports de force au quotidien entre les États. On sent aussi une pression de la part des États du Sud et pour avoir davantage de postes dans la fonction publique internationale. On a également une norme classique aujourd'hui de parité hein, qui s'impose dans les recrutements et qui tend aussi parfois les rapports de force. Régine Perron, puis Guillaume Devin. Je voudrais seulement préciser que le système multilatéral tel qu'il se présente aujourd'hui a été construit pour et par les États-Unis. Les États-Unis sont la puissance dominante du moment en 45. Donc tout tourne autour de ce pôle dominant et les alliances se font avec les États-Unis ou sans, ce qui est difficile. Mais aujourd'hui, justement, avec la nouvelle orientation de la politique américaine, déjà sous Barack Obama et encore plus avec Trump, on a un relâchement de cette alliance américaine avec les pays européens, avec les principaux alliés classiques, ce qui fait que la Chine trouve là un terrain idéal pour essayer à son tour de s'imposer dans ce système multilatéral. Guillaume Devin. Que voulez-vous que je vous dise? Je sais pas, continuez sur cette... Simplement vous donner quelques chiffres pour étayer un peu le propos de Delphine. Aujourd'hui, au secrétariat général des Nations Unies, il y a environ 40 000 personnes. Hein. 40 000 personnes, c'est peu. Hein. C'est peu, il y a 30 000 fonctionnaires à la Commission européenne. Mm-hmm. Hein. Donc, pour le secrétariat général d'une organisation mondiale, 40 000 personnes, c'est assez peu. Sur ces 40 000 personnes, il y a environ 20% de fonctionnaires dotés d'un statut permanent correspondant à ce qu'on entend classiquement par la fonction publique internationale et 80% de contractuels. Ah oui. Donc ça vous donne une idée de la situation. Il y a tout de même une expression qui est née, qui s'est développée en tout cas dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui est souvent utilisée, qui était encore plus floue que celle d'organisation internationale. C'est l'expression communauté internationale qui sert un peu à tout et à rien, dont on ne sait pas très bien ce qu'elle recoupe et surtout qui est souvent mise en difficulté parce que effectivement quand certains disent nous la communauté internationale a réagi par exemple, d'autres disent mais qui est cette communauté internationale et au nom de quoi réagit-elle par exemple? Est-ce qu'elle est le fauné par exemple de l'OTAN en Europe, disent les Russes ou des choses comme cela. Guillaume Devin, c'est intéressant que de voir cette expression floue qui sert dans le discours médiatique mais dans le discours politique international assez fréquemment aujourd'hui encore. C'est vous qui me mettez en difficulté en me posant toujours des questions de définition sur des réalités très floues. Mais il faut bien dire que c'est la communauté, flou. Ce qu'on appelle la communauté internationale, d'abord faut la mettre entre guillemets. On la met toujours entre guillemets. Déjà c'est une première prudence. Et puis ensuite, la communauté internationale, c'est une réalité qui est exprimée par des forums qui sont les plus représentatifs de l'ensemble des États composant, des États et d'ailleurs des acteurs non étatiques composant les relations internationales. Alors, quels sont ces forums? Par exemple, l'Assemblée Générale des Nations Unies. On peut considérer que l'Assemblée Générale des Nations Unies ou le Conseil de Sécurité des Nations Unies, dans une certaine mesure, représente, exprime la communauté internationale. Mais quand on intervient en Libye au nom de la communauté internationale, on intervient parce qu'effectivement, il y a une décision du Conseil de Sécurité. Parce qu'il y a eu une décision du Conseil de sécurité, ce Conseil de sécurité lui-même étant un organe représentatif à l'intérieur des Nations Unies et un organe dont les décisions s'imposent à l'ensemble des Nations Unies, c'est la charte. Et Delphine Placidifro, vous avez beaucoup insisté tout à l'heure sur la montée en gamme, pourrait-on dire, en puissance des organisations non gouvernementales. Il y a les lobbies, on en a parlé tout à l'heure, Séverine les mentionnait, etc. Il y a aussi tous ces acteurs non étatiques qui sont autour de ces organisations internationales et qui tentent d'en faire bouger les lignes. Et ça, c'est très important et peut-être encore de plus en plus important. La question du climat, vous l'avez mentionné, ou d'autres questions comme celle-ci sont des questions très importantes. Oui, absolument. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les organisations intergouvernementales font une place désormais importante, hein, enfin accordent une place désormais importante à ces organisations, que ça n'a pas toujours été le cas. Il faut attendre la charte des Nations Unies pour que ces organisations soient reconnues juridiquement avec un statut consultatif. Hein, donc voilà, on consulte simplement ces organisations, elles n'ont pas un rôle de décision, elles sont associées à l'élaboration des décisions, mais elles sont sur un plan consultatif. Et ce qui est intéressant, c'est que la charte le prévoit pour l'ECOSOC, donc le Conseil économique et social, hein, qui est à l'époque un organe assez peu central des Nations Unies, qui va petit à petit prendre de l'importance. Mais il faut attendre après le Conseil de l'Europe pour que les ONG soient davantage associées. Et c'est vrai que depuis les années 90, on sent vraiment une pression, une professionnalisation de ces ONG qui se sont en plus beaucoup développées, hein, depuis les années 70 et 80, et qui notamment dans certains domaines assez pointus, hein, font des propositions, voire sont incluses dans certaines délégations. Agenda. Elles ont leur propre agenda, elles sont parfois incluses dans certaines délégations, le Canada par exemple, ou les pays scandinaves associent très régulièrement des membres d'ONG dans les délégations à l'Assemblée générale des Nations Unies. On a tous en mémoire le traité sur l'interdiction des mines antipersonnelles, hein, qui a été rédigé en partie sous l'inspiration d'Handicap International. Alors, c'est un épiphénomène, mais qui est quand même significatif. Et c'est vrai qu'on sent à la fois une pression de ces professionnels de l'expertise internationale, mais aussi d'une autre catégorie qui sont les sociétés civiles, pas forcément institutionnalisées, ouais, ou les parlements également. Hein. On a beaucoup de parlementaires aujourd'hui dans différents pays qui cherchent à se faire entendre sur la scène internationale, par exemple, notamment dans les organisations. Régine Perron. Je voudrais ajouter une petite chose, que le problème qui s'est posé dans les années 70 à beaucoup de citoyens, c'était la question de non-ingérence, qui était le principe fondateur de l'ONU. Que faire quand il y a des problèmes, des guerres, des famines dans les États, alors que l'ONU ne peut pas s'ingérer dans les États? Et dans ce sens-là, Médecins sans frontières a répondu au devoir d'ingérence. Et c'est pour cela qu'il y a eu tout un travail fait. Avec beaucoup de difficultés à imposer ce terme même de devoir d'ingérence. Il y a eu tout un travail de fond avec Kouchner en particulier pour introduire le devoir d'ingérence à l'ONU, mais sous des conditions très strictes. Et toujours très contestées encore aujourd'hui. Voilà. Oui, Que seul pouvait faire une ONG finalement, ne pouvait pas se permettre une organisation internationale, Régine Perron. Ce devoir, cette question d'ingérence, seule une ONG pouvait se l'approprier. Exactement. En fait, les ONG ont eu ce rôle de d'agir quand l'organisation ne pouvait pas. Guillaume Devin. Un mot pour terminer, non? Ouais, on n'est pas loin de la fin. Oui, vous avez raison. Vous êtes bon. Vous connaissez. Écoutez-moi, je dirais que le bilan global des organisations internationales depuis un siècle et demi est assez difficile à faire, parce que c'est toujours le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Mais je dirais que, en gros, les organisations internationales ont contribué à trois objectifs majeurs dans les relations internationales. Premièrement, à juridiciser la scène internationale. C'est-à-dire que les organisations internationales ont contribué à la production du droit, à la production d'un maillage normatif qui enserre, civilise les conduites diplomatiques. Mmh. Deuxièmement, les organisations internationales ont contribué, à mon avis, à rendre le monde moins dangereux. Non pas en empêchant les guerres, mais en essayant de faire en sorte qu'elles éclatent moins facilement, qu'elles soient éventuellement précédées de médiation, qu'il y ait des opérations de paix pour faciliter les transitions de l'après-conflit. Et puis, le troisième objectif des organisations, qui est un objectif mitigé, c'est celui qui a contribué à rendre peut-être le monde un peu plus solidaire. D'abord avec des actions de programme, des actions d'urgence, hein, que feraient les millions de réfugiés, les millions d'enfants abandonnés et les millions de malades du sida s'il n'y avait pas d'organisation internationale, et les ONG également. Et puis également le développement qui a été la grande affaire des Nations Unies, même si les résultats sont mitigés. Merci beaucoup d'avoir joué ce jeu, justement, tous les trois et toutes les trois, donc d'avoir participé à ce débat autour des organisations internationales et la façon dont elles faisaient ou elles font encore de la politique internationale ou nationale. Séverine Attard, dernier volet demain de cette série consacrée aux organisations internationales. Oui, un documentaire, comme je le disais, sur le Centre international de l'enfance, qui est à l'interface des organisations internationales et qui va travailler à la fois en France, hein, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais évidemment, comme son nom l'indique, à l'international et notamment dans les pays, enfin c'est ce dont on traite beaucoup dans ce documentaire, dans les pays africains, anciennement colonies de la France, et donc avait été fondée par Robert Daubré, gaulliste évidemment pas tenté. Voilà, et donc un extrait de ce documentaire qu'on écoutera demain dans La Fabrique. Notre visite a pour but d'échanger nos idées sur les problèmes de santé qui vous préoccupent, afin d'y trouver une solution. Vous qui vivez ici, vous connaissez mieux que quiconque les maladies dont souffrent vos enfants. C'est à vous d'exprimer vos besoins et après, nous échangerons nos idées sur le problème de santé que vous aurez indiqué. On participait, disons, à la mise en place des programmes de formation locaux ou régionaux, avec cette approche communautaire, c'est-à-dire à chaque fois des exercices qui avaient lieu dans la population, on appelait quelquefois diagnostic communautaire, c'est-à-dire on allait sur le terrain avec les participants et on restait par exemple quelques semaines, voire quelquefois jusqu'à un mois. On faisait une évaluation des besoins et puis des ressources aussi locales et puis mise en place de solutions, enfin de beaucoup aussi une approche de résolution de problèmes à partir d'études de cas. C'était quelque chose qu'on utilisait beaucoup aussi. J'ai beaucoup travaillé au Niger, au Bénin. Au Mali aussi ? Mali, terriblement. Et en particulier au Mali, une chose que nous n'avions jamais faite et que j'ai pu faire avec mon mari, qui était orthopédiste infantile. Nous sommes intéressés aux enfants handicapés. Le Mali a été un des derniers pays avec une forte proportion de polio chez les enfants, très forte. Et je m'étais aperçu que ces enfants, en fin de compte, ils étaient appareillés, mais c'était pas si mal que ça. Et j'avais demandé à mon mari de venir, non pas pour passer 8 jours avec lui, mais pour qu'il regarde tous ces appareillages faits avec du bois. Et en fin de compte, nous avons mis en place un système de formation des rebouteux, en accord avec le ministère, bien entendu. Et nous avons gardé ce qui était... Enfin, mon mari a gardé ce qui était bon, a amélioré ce qu'on pouvait, a même pris des idées pour la France. Et on a fait des formations de rebouteux. Ceux qui étaient reçus, à ce moment-là, avaient le droit de se faire payer un petit peu par les familles. Donc on les a officialisés dans certains domaines. Et ça a été une expérience très intéressante. D'ailleurs, l'enfant milieu tropical retrace ce projet. Voilà donc pour ce documentaire qu'on pourra écouter, quatrième et dernier volet de notre série consacrée aux organisations internationales. Hier, nous avons parlé de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, qui célèbre donc ses 100 ans cette année. Eh bien, sachez que nos participantes d'hier participent également et organisent un grand colloque qui s'intitule l'Organisation Internationale du Travail en action depuis 100 ans, justice sociale et travail décent, qui se tiendra le 26, 27 et 28 juin à Paris, dans divers endroits, le Conseil économique, social et environnemental, mais aussi le ministère du Travail, grand colloque. Vous pourrez retrouver la liste des participants et des interventions dans ce colloque, donc le 26, 27 et 28 juin sur le site de la Fabrique de l'Histoire. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Alexandre Dang nous a accompagné à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Fabrique FC.